Dossier 5. Leçon 3. Activité 7. Allô ? C'est moi. Oui, je t'appelle parce que je viens de voir sur Internet une offre de week-end assez originale. On est logé sur un bateau et on se déplace pendant la nuit sur un canal de l'Oise. Et pendant la journée, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des vélos à bord. On peut les louer pour visiter la région. Oui, ça pourrait être pas mal. Et c'est cher ? Non. En ce moment, les prix sont assez intéressants, parce qu'on est en basse saison. Pour deux, il faut compter 100 euros la nuit, tout compris. Et puis, pas de problème, on peut emmener le chat. Oui, ça m'a l'air bien. Écoute, si tu es d'accord, il faut faire vite et réserver. Il demande un acompte de 20% à la réservation. Si tu veux regarder, tu tapes « Loisante » sur Google et tu tombes sur leur site.